professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Louise Labbé, la belle cordière. Un cordier est un personnage qui fabrique, qui vend des cordes, à ne pas confondre avec le cordier, c'est-à-dire la pièce de bois sur laquelle sont attachées les cordes pour un violon ou pour un luth, à ne pas confondre non plus avec un cordelier, le surnom donné aux frères mineurs de l'Observance, ordre religieux fondé au XIVe siècle. Quant à la cordière, c'est autre chose, c'est l'épouse du cordier, pourquoi pas, mais il ne faut pas la confondre avec la cordelière qui, elle, est une petite corde tressée qui sert de ceinture. Et si elle est belle, cette cordière est la poétesse Louise Labbé, qui savait jouer de luth, qui était fidèle à l'observance des règles de la poésie et qui, dans son débat de folie et d'amour, évoque tant de pommes d'or, chaînes, bagues et ceintures. Les amours, parfois, sortent des alcôves. Il suffit qu'elles emplissent un cœur qui bat mieux qu'aucun autre. Dans la cité de la Renaissance, où Rabelais invente gosier et estomac géant pour des ripailles fabuleuses, où l'étendard de la soie se déploie sur l'activité des imprimeurs, sur l'art des peintres et des poètes, il y a ce cœur incomparable. Un cœur aimant. Et qui sait qu'il aime ? Celui de Louise Labbé, la belle cordière. Il est vrai qu'on m'appelle la belle cordière. Qui se soucie de penser que pour être la belle cordière, il faut appartenir à un vilain cordier? Ce n'est pourtant faute de tirer sur cette corde qu'on m'a mise au cou. Élise Reichenbach, bonjour. Bonjour. Blandine Perrona, bonjour. Bonjour. Ce surnom, la belle cordière pour Louise Labbé, c'est de son vivant ou c'est quelque chose qui apparaît bien plus tard? Alors, disons que Louise Labbé, effectivement, en tant qu'épouse de cordier, est régulièrement appelée cordière, hein, dès les documents d'archives qu'on a pu retrouver la concernant, notamment des documents bancaires, qui elle est dite la cordière de Lyon ou dite la cordière. Pour ce qui est de belle cordière, c'est une figure plutôt qu'on retrouve plus ou moins dans le même temps à Lyon et qui est peut-être une figure légendaire. Peut-être Louise Labbé, un peu des deux, il y a certainement une contamination réciproque, et qui représente en tout cas une figure sulfureuse que l'on trouve à la fois dans des textes, également dans des polémiques religieuses. Et oui, parce que autour de cette cordière et belle cordière, il y a peut-être plusieurs personnages. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Au-delà de comprendre l'acte, l'écrit, la portée de ce qu'a pu écrire Louise Labbé, c'est aussi qui est cette personne. Est-ce qu'on a une date de naissance, par exemple? On a une date approximative, c'est-à-dire que traditionnellement, on la situe entre 1520 et 1524. À l'époque, on n'a pas encore de registre de baptême qui sont constamment tenus à jour par dans les églises. Et en tout cas, on n'en a pas de si anciens qui soient conservés à Lyon. Donc, on n'a pas du tout la possibilité de savoir exactement quand elle est née. Mais on a cette date approximative. Avec un personnage qui, il faut le dire, est fascinant. Hein, Louise Labbé, c'est évident. Dès qu'on évoque ce nom-là, c'est tout un univers qui s'offre à nous. Avec beaucoup de mystères. C'est peut-être aussi cela qui plaît autour de Louise Labbé. Blandine Perrona, vous êtes maîtresse de conférences en langue et littérature française à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, c'est à Valenciennes. Et dans cette réflexion que l'on peut avoir autour de Louise Labbé, il y a le moment où elle est vivante et où elle écrit, puis il y a le après. De son vivant, elle est déjà connue? Alors, elle est déjà connue parce que son œuvre est publiée et avec un privilège royal en 1555, donc ce qui est déjà un signe de reconnaissance, d'autant que elle est entourée par les écrits d'hommage qui montrent cette aura de son œuvre. Donc c'est déjà une reconnaissance majeure de son vivant. Oui, déjà de son vivant, et puis avec cette postérité qu'il conviendra d'étudier. On l'a dit, hein, elle est cordière, c'est-à-dire qu'elle a épousé un cordier. Un cordier, c'est un monsieur qui fabrique et ou qui vend des cordes. Monsieur Atlan, 73 ans, cordier depuis 41 ans, seul artisan en la matière dans notre région. Pourquoi avez-vous choisi cette profession ? Par les liens du mariage. En somme, c'est pas vous qui êtes venu à la corde, mais la corde qui est venue à vous. C'est exact. Bon, soyons sérieux. Expliquez-moi, comment fabrique-t-on une corde ? Ben, une corde, voyez-vous, ça dépend de la matière, du sisal ou du chanvre. Ça dépend de la grosseur et de la quantité de fil que je mets. Alors là, je commence par le bout, par la câbleuse, jusqu'au chariot. En quatre fois comme ça. Et lorsque la corde est bien câblée, le chariot tourne automatiquement tout seul. C'est ce qui donne la torsion. Combien vous fabriquez de cordes par jour ? Ben, environ 300. Après 41 années de labeur, monsieur Atlan, qu'est-ce que vous apportez votre profession ? Ben, elle m'a apporté des joies, elle m'a apporté une satisfaction parce que j'aime beaucoup mon métier, et puis un peu de peine, bien entendu. Un peu de peine, oui, mais toute peine mérite salaire. C'est un cordier qui s'exprimait sur les actualités Midi Atlantique en 1966. Élise Rachenbach, vous êtes l'autrice de Louise Labbé, la rime féminine dans la jolie collection Destin chez Calypse, les éditeurs Calypse. Et non, c'est très fascinant ce petit ouvrage qui nous retrace la vie d'une femme, une autrice, elle aussi, dont on sait peu de choses. Mais malgré tout, on sait beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on tire les fils et qu'on va dans les archives, on a quelques éléments. Alors, elle épouse un cordier, c'est-à-dire qu'elle est dans quel univers social ? Alors, c'est quelque chose qui est difficile encore à déterminer et qui fait partie des recherches en cours. Elle épouse un cordier, mais surtout, elle est déjà fille de cordier. Donc, il faut bien voir que c'est un milieu très endogamique. Hein. On se marie dans son milieu. Et son père, Pierre Charly, dit l'abbé... Et est en fait un cordier assez cossu et bien en vue dans Lyon, hein, dans la cité lyonnaise. Il a d'abord épousé une veuve de cordier. Son premier mariage se fait autour de 1489 avec Guillemette de Cuchermois, qui est veuve de Jacques Imbert, dit l'abbé. Et quand il épouse la veuve, il récupère l'entreprise et la marque, l'abbé. Et c'est de là que vient le nom de Louise Labbé. Louise Labbé est issue du second lit de Pierre Charly, qui a épousé encore une fois quelqu'un issu du milieu des cordiers, hein, Étiennette, Roybet, qui meurt a priori peu de temps après la naissance de sa fille Louise. Et il y a un troisième mariage, là, qui est hors du cadre des cordiers. Ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est qu'elle évolue donc dans un milieu de marchands, et un marchand assez riche. Visiblement, Pierre Charly est un notable de la ville. Il fournit la ville en cordes. Et ces cordes sont très importantes à l'époque, puisque Lyon est une grande cité commerciale située sur le Rhône et la Saône. Donc c'est un nœud aussi hein, des échanges commerciaux. Et pour transporter les marchandises, on a besoin de cordes. Autre élément qui montre qu'elle grandit dans un milieu bien en vue à Lyon. Au moment de l'entrée royale du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis à Lyon en 1548, une grande fête... est organisée, hein, comme on le fait toujours pour les entrées royales. Et donc Lyon est décoré avec de belles perspectives architecturales, avec une bataille navale également hein, qui est organisée. Et on a aussi des pièces qui sont jouées devant le couple royal et surtout un combat. Qui reprend des armes anciennes, mais qui est novateur aussi parce que combattent des personnes qui n'ont pas les mêmes armes de part et d'autre. Et parmi ces combattants, et parmi les escrimeurs, on a au moins l'un des frères de Louise Labbé. Donc visiblement, c'est une bonne famille. Et effectivement, ensuite, elle épouse, autour de 1545, Edmond Perrin, qui est lui-même un fils de cordier. Dans l'état actuel des connaissances, il semble qu'il soit effectivement plus modeste d'un point de vue financier, mais il a un grand apport d'argent au moment de son mariage. Hein. Visiblement, Pierre Charly dote bien ses filles et le couple prospère hein, par la suite. Oui, c'est un couple qui se trouve dans une ville extrêmement dynamique. On peut rappeler Lyon, ville dynamique pour le commerce, mais pas seulement en ce 16e siècle, il n'y a pas... Paris qui domine l'ensemble d'un territoire qui n'est pas le nôtre d'aujourd'hui. Lyon, c'est une ville importante. En plus, mais simplement géographiquement, c'est proche de l'Italie. On sait bien qu'à l'Italie, il y a ce foisonnement intellectuel. Oui, et, en effet, j'enchaîne sur la biographe. Et, c'est une ville très importante avec des figures aussi qui préparent la parole des femmes. Je pense par exemple à l'année 1525 où Marguerite de Navarre est présente, ce qui donne donc déjà une première visibilité à une femme autrice dans la ville. Et puis avec Marguerite de Navarre, en quelque sorte dans sa suite, Henri Corneille Agrippa, qui écrit deux textes très importants pour la place des femmes à cette époque. Alors Henri Corneille Agrippa est là quand il écrit une déclamation sur le mariage, qui est déjà un texte très favorable aux femmes, qu'il dédie à Marguerite de Navarre. Et quelques années après, il va écrire un texte sur l'excellence des femmes, la précellence des femmes. Et là, on est autour de 1529, il le dédie à Marguerite d'Autriche. Donc cette figure très importante pour les femmes, qui montre que Lyon est aussi un carrefour intellectuel, est présente quelques années, quelques dizaines d'années avant que Louise Labbé fasse paraître ses œuvres. Bah dans la chronologie, je vous propose 1532. Enfin, il vint. Rabelais, le bon maître François, l'an de grâce 1532, à Lyon. Et c'est à Lyon, à la foire, la même année, le 3 novembre, à la foire aux livres, la foire de la Toussaint, que paraît Pantagruel. Ainsi, c'est à Lyon que retentit pour la première fois et pour l'éternité le grand rire rabelaisien. Et ce rire, est-ce qu'il ira jusqu'à Louise Labbé ? Patience, elle n'a que 6 ans, mais dans 10 ans déjà, elle va faire parler d'elle. À 16 ans, elle épouse Louise Labbé, un maître cordier très riche, mais aussi assez vieux, c'est ce qui lui vaut le surnom de la belle cordière. Et la liberté des mœurs de cette belle cordière irrite fort Calvin, mais peu lui chaud, car elle proteste par là contre la condition servile des femmes de son époque. Elle monte à cheval, elle joue du luth, elle lit Pétrarque dans le texte, elle est peut-être un peu aussi sur les bords, un peu une mondaine, au sens que vous comprenez, mais une demi-mondaine lettrée. Et c'est un grand poète de la langue française. Nous étions sur FR3 en 1978 quand Pascal Copeau, résistant journaliste, présentait Louise Labbé. Et je ne pense pas qu'en 1978, Pascal Copeau imaginait, Élise Reichenbach, qu'il allait tant vous faire rire. Oui, mais disons que ce qui fait sourire au rire aujourd'hui, c'est cette accumulation de clichés, en fait, sur Louise Labbé. On n'en verrait pas autant si sur un auteur, justement. Hein, c'est-à-dire que ce qu'on retient finalement de Louise Labbé à l'époque, et parfois encore aujourd'hui, c'est le fait que, ou en tout cas, c'est tous les fantasmes qui ont pu être tissés sur ce portrait un peu sulfureux de Labbé. On ne retient pas finalement son œuvre, on ne retient pas ses qualités intellectuelles, hein, sa culture, son invention, la musicalité aussi de ses vers. Non, on retient une hypothétique vie de amoureuse, passionnée et de courtisane. Hein, c'est le terme qui est aussi employé. Qu'elle a peut-être eu, qu'elle n'a peut-être pas eu, mais en fait, là n'est pas l'important. Non, c'est pas ça l'important. C'est vrai qu'elle est veuve jeune, quand on l'entend. On n'en sait absolument rien, mais non, pas si jeune que ça. C'est-à-dire que la dernière mention de Louise Labbé en tant qu'épouse d'Edmond Perrin date de 1553. Donc elle n'est plus si jeune que cela quand même. Et effectivement, il est plus âgé qu'elle, hein, a priori. Et on a encore une trace d'Edmond Perrin dans des documents fiscaux en 1555. On n'a pas la date exacte de sa mort. Madeleine Lazare, qui a écrit une très bonne biographie de Labbé dans les années 2000, mais voilà, qui était dans l'état des connaissances de l'époque, suppose qu'il est mort vers 1554, 1555. Elle avait 25 ans, 30 ans dans ces eaux-là, mais c'est vrai qu'ici nous avons une personne qui est victime en fait de la représentation que ses contemporains ont des femmes, et pas seulement de ses contemporains, on vient de l'entendre, ce côté femme libre. C'est quelque chose qui est très intéressant avec Louise Labbé, parce que ici, ben, ça nous interroge, était-elle plus libre que les autres? au point où l'on s'en rende compte, ou alors était-elle une femme de son temps, épouse d'un cordier, et donc à la tête aussi d'une petite entreprise? Alors, je voudrais revenir sur cette biographie farfelue qui est assez fascinante, parce que c'est vrai que elle tient en particulier à Antoine Duverdier en 1485 dans sa bibliothèque, qui donc commence à fantasmer un petit peu cette vie de courtisane, et c'est assez fascinant, mais c'est aussi intéressant de voir cette évolution, c'est-à-dire que ça passe chez Pierre Bayle, ça reste dans une anthologie par exemple du début du XXe siècle qui s'appelle Les Muses françaises, où toute cette mythologie autour de l'autrice a fait finalement effet de vérité, puisqu'on retrouve ça, et donc jusque dans une interview. Donc ça, c'est assez fascinant, effectivement. Ce déplacement de l'œuvre à une biographie fantasmée, c'est une première chose. Et une question a été posée par votre extrait, c'est: est-ce que le rire de Rabelais est allé jusqu'à Louise Labbé? Et justement, pour déconstruire ces clichés, oui, en fait, il faut dire que le rire de Rabelais, la liberté des humanistes, dont Rabelais est une figure, mais dans la droite lignée d'Érasme, se retrouve dans une œuvre qui est pleine d'irrévérence. Et j'aimerais que... Alors, on parle beaucoup de la poétesse, et c'est aussi la poésie pleine de passion et magnifique qui nourrit cette image fantasmée de Louise Labbé courtisane. Mais du coup, on a beaucoup oublié son débat de folie et d'amour, qui est une pépite d'humour, d'irrévérence, et une revendication de liberté. Et puis surtout, elle prend la plume dans une œuvre qui est plutôt une œuvre de genre savant, c'est-à-dire qu'on peut rattacher, certes, à des genres médiévaux, mais aussi à la déclamation humaniste, donc vraiment un genre où les plus grands intellectuels de l'époque se sont illustrés. Et donc, il faut rendre, en fait, vraiment une visibilité à cette part de liberté qui, à mon avis, est une valeur essentielle de l'humanisme, et de rire, d'irrévérence, d'humour qui est présente dans l'œuvre de Louise Labbé. C'est cette Louise-là qu'il faut absolument faire exister. Si je peux réagir aussi au sujet du débat de folie et d'amour, et le fait peut-être qu'il soit laissé de côté, il faut bien voir que pendant le XVIe siècle, c'est le débat qu'on retient. C'est-à-dire que les rares rééditions, après les éditions complètes en 1555-1556, les rares rééditions de textes de Louise Labbé ou traductions, c'est le débat de folie et d'amour dans les années 1560 avec le texte d'une autre autrice qui est Catherine Fradonnel, une des Dames des Roches, et puis une traduction en anglais du débat de folie et d'amour également à la fin du XVIe siècle. Et lorsque Pierre de Saint-Julien de Balleur revient sur le cas de Louise Labbé, donc c'est un historien aussi là qui écrit à la fin du XVIe siècle, alors il commente le mauvais jugement des femmes pour choisir leurs amants, et il donne pour exemple ce qui est dit dans le débat de folie d'amour, et dans une parenthèse, il dit c'est que c'est une œuvre absolument extraordinaire, mais qui est tellement érudite et gaillarde que ça sent plus l'esprit d'un Morisève que d'une courtisane. Aïe. Donc, le problème, c'est qu'une œuvre aussi savante ne saurait être, ou en tout cas ne saurait être identifiée à une œuvre de femme, fût-elle humaniste. Le débat de folie et d'amour, on peut le rappeler aussi, mis en avant par rapport à toute la poésie au sonnet pendant un bon moment, ça évoque Érasme, hein. C'est ce lien entre les humanistes. Oui, c'est la folie d'Érasme. Alors même, on oublie qu'avant Érasme, c'est une figure qui est un peu oubliée, mais il y a un humaniste italien, en fait, hein, qui fait déjà parler des figures un peu folles, qui sont, pour vous montrer un petit peu cette irrévérence du genre, il s'agit de Filippo Beroaldo l'Ancien, qui faisait parler dans un dialogue trois personnages marqué par la faute et la folie, à savoir un ivrogne, un joueur, et la traduction du XVIe siècle dit un putier, c'est-à-dire un homme voilà, qui fréquentait trop, du point de vue de l'époque, les femmes. Et donc, ici, on a un genre savant, satirique, qui pointe les vices de l'époque, qui devient, chez Érasme, un texte très politique aussi, puisqu'il interroge les autorités de l'époque. Et cette puissance de transgression, d'interrogation de l'ordre, se retrouve chez Louise Labbé, et particulièrement interrogée sur la question des rapports qu'on dirait aujourd'hui des rapports de domination entre les genres. Donc il y a aussi un déplacement intéressant du débat et des enjeux, mais la question de l'autorité qui est pointée déjà par Érasme devient centrale dans la question des rapports hommes-femmes dans le débat de folie et d'amour. Et en cela, Louise Labbé est humaniste, hein. On voit bien tous ces liens que l'on peut tisser avec la production d'autres hommes, mais d'autres femmes aussi. C'est quoi qui fait l'humanisme de Louise Labbé? C'est en fait toutes les cases à cocher pour être une bonne humaniste. En effet, alors je ne sais pas si je continue sur le débat, donc c'est ce que nous disions à l'instant, c'est-à-dire écrire en dialogue avec des contemporains, mais également être pétri de la littérature antique, ce qui se voit aussi bien dans le débat que dans sa poésie. On parlera sans doute du modèle de Sappho, par exemple, hein, mais pas seulement. En fait, il y a les héroïdes. Enfin, donc elle est nourrie de toute la littérature antique. Et puis donc j'insiste sur cette soif de liberté, puisque je reviens au fait qu'on peut rattacher le débat de folie et d'amour au genre de la déclamation humaniste. Il y a une filiation qui se fait assez bien d'Erasme à la Boétie, par exemple, hein, puisque c'est le même genre en fait dans le discours de la servitude volontaire. Et j'ai été assez frappée, la relisant l'œuvre, de ce motif de la liberté qui est présent non seulement donc dans la question du débat, où la folie peut être une figure de la liberté, mais aussi dans les élégies. L'une des élégies commence en disant que la poétesse, en tout cas la persona de la poétesse mise en scène, a soif de la présence de l'être aimé autant qu'on peut avoir soif de la liberté. Et ce motif de la liberté est vraiment un fil de l'œuvre. Oui, parce que l'œuvre de Louise Labbé, c'est ça, hein, c'est des textes que l'on peut dire, rédiger, c'est de la prose en fait, hein, c'est le débat de folie et d'amour, il y a la poésie, en cela aussi elle est humaniste, elle ne respecte pas une forme, un genre. Oui, alors ce qui importe aussi, hein, du point de vue de l'humanisme dans la poésie de Labbé, c'est le choix des genres. C'est-à-dire que le recours à l'élégie est déjà un marqueur dans la mesure où l'élégie, sous cette forme-là, est un genre qui est encore relativement nouveau en France, en langue vernaculaire. C'est un genre qui est emprunté de la littérature antique et qui est réadapté ici et qui est pétri de références antiques et de références intellectuelles, au-delà même de l'antique. Pour ce qui est des sonnets, on a affaire aussi, hein, à un genre qui est identifié à Pétrarque. Le sonnet est introduit au milieu des années 1530 en France via Clément Marot ou Saint-Gelais, mais il est surtout mis à la mode par ceux qu'on appelle la Pléiade, hein, Ronsard, Du Bellay, même s'il y a quelques précédents à Lyon. Et c'est donc un genre qui est à la fois très italianisant, et l'Italie est la patrie de l'humanisme. Le premier des sonnets de Labbé est un sonnet en italien. C'est un genre qui est identifié comme une grande nouveauté aussi, hein. C'est la mode du moment. Et si je peux revenir aussi sur la question d'une conscience même d'un humanisme chez Labbé, je voudrais rappeler les premiers mots de l'épître à Clémence de Bourges qui ouvre le recueil, où Labbé signale justement, hein, étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble, hein, que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté, etc. Dans ses premiers mots, l'abbé, précisément, marque une rupture entre un Moyen-Âge volontairement obscurci, hein, où il n'y aurait aucun savoir, aucune connaissance, et l'âge de l'humanisme qui permet justement de donner accès à toutes ces connaissances qu'on retrouve chez Rabelais, hein, qui est vraiment défini comme tel dans la lettre de Louise Labbé. De Gargantua. Ah oui, de Gargantua, voilà, oui. Tiens, vous voulez dire qu'en fait, ce qui ouvre ses œuvres, c'est-à-dire ici l'épître à Clémence de Bourges, c'est un peu un écho, c'est en tout cas par le genre utilisé, à ce que peut faire Rabelais, l'idée d'une correspondance. Disons que l'idée en tout cas d'une rupture avec le passé et d'un âge nouveau florissant, et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle le met au féminin. C'est-à-dire que cette rupture entre le Moyen-Âge et le XVIe siècle, âge de l'humanisme, tel qu'il est construit par les hommes et les femmes de l'époque, c'est une rupture qui habituellement est attribuée aux hommes, c'est les hommes qui en profitent, et ce qu'elle dit, c'est « mais les femmes aussi peuvent aujourd'hui en profiter, donc à nous d'arriver sur scène ». Louise Labbé écrit à Clémence de Bourges. « Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines, il me semble que celles qui ont la commodité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée, et apprendre celle-ci, et montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient. Ne pouvant de moi-même satisfaire au bon vouloir que je porte à notre sexe, de le voir, non en beauté seulement, mais en science et vertu passer ou égaler les hommes, je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et leurs fuseaux. Frédéric Labussière qui nous lisait cette dédicace qui est mise en ouverture des œuvres de Louise Labbé. C'est la parution de 1555, c'est bien cela? Oui, oui, elle apparaît en fait dans chaque édition des œuvres complètes. Et c'est un texte assez fondateur, en fait, hein, qu'on entend aujourd'hui comme étant un texte proto-féministe, même si parfois certains récusent ce terme. Ce qui est merveilleux, je trouve, avec l'extrait que vous avez lu, c'est la manière dont l'abbé souligne la partition des tâches pour les hommes, traditionnellement, les savoirs, et pour les femmes, la quenouille. Et cette manière de spatialiser ici les activités masculines et féminines, puisqu'il faut élever un peu au-dessus des quenouilles, elles sont donc bien basses, est une manière pour l'abbé déjà de s'inscrire dans la lignée d'une autre autrice qui avait déjà revendiqué finalement un accès au savoir pour les femmes, qui est Christine de Pisan, et qui souligne déjà cette bipartition et le fait que les femmes sont cantonnées aux quenouilles. Et par ailleurs, cette spatialisation permet également d'appeler aussi à une élévation intellectuelle. Il y a une correspondance ici entre le spatial concret et l'esprit des femmes qui doivent elles aussi s'élever dans une perspective de ce qu'on appelle le néoplatonisme à l'époque, c'est-à-dire l'idée, c'est une redécouverte de la philosophie de Platon qui est adaptée ici aussi d'un point de vue intellectuel et religieux. Et l'une des particularités du néoplatonisme, dans la lignée de la querelle de Platon, de la caverne pardon, de Platon, et l'idée de l'élévation vers les idées, c'est justement de s'élever intellectuellement pour atteindre Dieu. Et donc là, quand on appelle à élever l'esprit au-dessus des quenouilles, on voit esquisser en filigrane ce mouvement d'appel aussi à l'élévation qui ne doit pas être le propre des hommes. Blandine Perrona, nous parlons de Louise Labbé et de toute cette réflexion proto-féministe, et on l'entend très bien, que les femmes doivent s'élever au-dessus des quenouilles et des fuseaux, c'est très clair. Ce n'est pas la seule, vous avez cité d'autres noms. Louise Labbé s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large où les femmes deviennent autrices, elles ont des choses à dire, oui. Et elles le disent. Alors, je voudrais juste revenir sur l'épître un tout petit peu aussi pour revenir sur cette irrévérence dont je parlais, parce que comme l'a dit Élise, elle est merveilleuse. Alors, je voudrais vous faire noter déjà qu'elle invite les femmes, enfin, et puis les hommes et les femmes à voir les femmes non en beauté seulement, mais en science et vertu, passer ou égaler les hommes. C'est-à-dire que ce qu'elle propose, c'est aux femmes de dépasser les hommes, et la modestie arrive seulement après. Donc il y a déjà cette première irrévérence, et puis c'est la suite aussi qui est très drôle en disant, parce qu'elle dit, voilà, si les femmes se mettent à prendre une activité qui était censée être réservée aux hommes, à savoir l'activité intellectuelle, eh bien les hommes vont avoir honte d'être battus par les femmes, donc il y aura une saine émulation. Et donc là, on voit cette irrévérence où, tout en affichant une modestie parfois, ce qu'elle propose, c'est vraiment une émulation où hommes et femmes sont en dialogue et où il n'est pas dit que les hommes l'emportent. Ça, c'est pour cette irrévérence qui est partout dans l'œuvre. Et puis donc pour revenir aux figures d'autrices, c'est vrai que on a parlé de Christine de Pisan, et c'est assez fascinant d'ailleurs de considérer à la fois les échos des œuvres et puis les échos de la réception de ces œuvres, parce que par exemple dès l'époque à l'époque contemporaine de Christine de Pisan, un traducteur flamand dit certains trouvent que cette œuvre est trop subtile pour être œuvre de femme, mais moi le traducteur je considère que c'est une telle défense des femmes que ça doit bien être une œuvre de femme. Donc c'est assez fascinant de voir comment ces femmes ont dû de la même façon rentrer sur la scène intellectuelle, et c'est-à-dire prendre les armes des hommes, leur érudition, entrer en dialogue et entrer en contradiction, et la liberté passe par la contradiction. Et c'est la même stratégie chez Christine de Pizan et chez Louise Labbé. Et c'est la même réception avec un doute. Comment tant de liberté et d'irrévérence pourrait venir d'une femme? Et alors, pour continuer sur Christine de Pizan et Louise Labbé, il faut voir que Christine de Pizan écrit et publie, de manière manuscrite, mais publie une œuvre qui s'intitule « La cité des dames », où elle imagine une communauté féminine qui permette aux femmes de s'épanouir dans tous les domaines. Or, ce que fait Labbé dans l'épître à Clémence de Bourges, c'est un appel à créer également une communauté féminine intellectuelle, puisque elle dit qu'elle s'adresse à Clémence. Alors, un point dont on n'a pas parlé, c'est qui est Clémence de Bourges? Ah oui, tiens, bonne question. Clémence de Bourges, c'est une jeune fille d'une famille patricienne lyonnaise, qui est une grande famille. Hein. Son père est gouverneur en Piémont. Ils sont bien à la cour aussi. Et c'est une jeune fille dont on sait en fait qu'elle appartient à une famille qui favorise les lettres. Sa sœur, plus tard, voit une partie de ses lettres échangées avec son époux, publiées par l'époux. Donc c'est une famille qui valorise la littérature dans un cadre où, effectivement, les savoirs, et notamment les savoirs féminins, relèvent d'un capital. Des familles littéraires, pour reprendre l'expression de Neil Kenny, sont des familles qui s'élèvent aussi intellectuellement et socialement. Alors là, c'est une famille déjà noble. Hein. Mais donc s'adresser ainsi à Clémence de Bourges, pour Louise Labbé, c'est s'intégrer dans ces cercles et c'est appeler effectivement à cette communauté des femmes. Elle appelle Clémence de Bourges elle-même à écrire et à publier ses œuvres. Hein. Louise Labbé dit « Bon, moi, je suis faible intellectuellement, donc je suis consciente de l'imperfection de mes œuvres, mais c'est plus une admonition qu'un exemple. Hein. C'est, je vous appelle à suivre. » Et en fait, elle ne s'adresse pas seulement à Clémence de Bourges. Elle s'adresse aussi régulièrement aux femmes, à toutes les femmes. Et elle appelle l'ensemble des femmes à la suivre et à mieux limer finalement sa propre œuvre par leurs propres œuvres, c'est-à-dire à retravailler une œuvre, ce qui serait une forme d'œuvre collective, pour atteindre une forme de perfection. Ah oui, c'est beau comme projet. Au-delà de se dire, et c'est ça hein, qui est passionnant à vous écouter l'une et l'autre, que nous avons ici, à Lyon, une femme qui décide d'écrire des poèmes. C'est un mouvement beaucoup plus large. Et elle-même est une des actrices de ce large mouvement qui part de Christine de Pizan, bien avant, qui passe par Louise Labbé, mais pas seulement par elle. Vous avez cité tout à l'heure Blandine Perronat, Marguerite de Navarre. Marguerite de Navarre, c'est quand même toujours un peu plus facile, car c'est la sœur du roi François Ier. Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, était la sœur de François Ier. Elle naquit en 1492 et mourut en 1540. Sa vie coïncida donc avec une période très agitée de la Renaissance qui était celle de la Réforme. Aussi trouvons-nous partout de la contradiction. Et la sœur de François Ier, elle l'idolâtrait, elle l'appelait son César. Sa mère de même, lui, les aimait toutes les deux. Il aimait sa sœur qu'il appelait Mamignonne. Mamignonne, c'était un nom qu'on peut mettre entre guillemets. C'était sa mignonne. Il l'aimait beaucoup plus qu'on a dit. Il lui était très attaché. Et quand il mourut, elle eut un désespoir incroyable. Mais un désespoir que nous allons voir d'ailleurs dans ses vers, qui tout à coup ont pris un accent singulier grâce à ce terrible chagrin. Elle voulait mourir, elle ne pouvait plus vivre sans lui. Alors vous allez voir. Las, tant malheureuse je suis que mon malheur dire ne puis, sinon qu'il est sans espérance. Désespoir est déjà à lui pour me jeter au fond du puits où n'assaillir aucune apparence. Tant de larmes jettent mes yeux qu'ils ne voient terre ni cieux. Telle est leur pleur de l'abondance. Ma bouche se plaint de tout lieu de mon cœur. Plus sérieusement que soupirer. Nous venons d'entendre Madame Simone, qui parlait de Marguerite de Navarre. Madame Simone, qui avait 91 ans au moment où elle enregistre ce texte en 1968. Madame Simone, qui est morte à 108 ans, rendez-vous compte, elle avait fait ses débuts avec Sarah Bernhardt au début du XXe siècle. Une longue vie. Quand nous pensons à Louise Labbé, il y a tout ce que vous nous avez raconté, c'est-à-dire une certaine suspicion par rapport à l'œuvre. Une femme est-elle capable d'écrire une telle œuvre? Il y a la place des femmes dans la société et puis dans ce monde des lettres. Et j'ai l'impression qu'il y a une construction tardive. On le voit bien que au temps de Louise Labbé, au XVIe siècle, au temps de Marguerite de Navarre, elles sont un petit peu contemporaines, il y a des possibles pour les femmes et que ensuite, tout doucement, ça se verrouille. Est-ce qu'on peut dire que là, ce moment de la renaissance de l'humanisme en France, à Lyon particulièrement pour Louise Labbé, c'est un moment où des possibles sont ouverts pour ces femmes qui décident d'écrire? Oui, je pense qu'on peut effectivement voir cette période-là comme un moment, en tout cas, où des interstices se sont ouverts, parce qu'aussi les femmes ont des soutiens, c'est-à-dire que arriver jusqu'à la publication des œuvres nécessite aussi des alliés, et là, des alliés masculins. Mais ce qu'il faut bien voir, en tout cas pour ce qui concerne Lyon, c'est que c'est une place quand même qui est particulièrement favorable à l'écriture et à la publication des écrits féminins. Pour plusieurs raisons, on a certainement, l'une de ces raisons, vous en parliez au tout début de l'émission, c'est la place même de Lyon en tant que ville d'une part frontière et puis surtout de ville sur le chemin de l'Italie. Hein, on y passe, la cour y passe. Ah bah oui, parce qu'on va faire la guerre en Italie. Voilà, exactement. On passe par Lyon, on revient par Lyon. C'est une ville avec une population italienne importante, hein, elle est italianisante, les banquiers en particulier, qui sont aussi une population qui contribue à introduire la culture italienne à Lyon. C'est une ville donc où on peut parler italien. Et c'est une ville aussi où se réfugient des Italiens, notamment dits hérétiques. À partir de 1539, l'archevêque de Lyon, c'est Hippolyte d'Este. Donc c'est un Italien également. Or, en Italie, on assiste également à un mouvement qui favorise l'écriture des femmes et la publication des femmes. Donc on a aussi ce modèle-là italien qui est très certainement importé à Lyon. Et puis à Lyon, il y a l'imprimerie, ce qui aide beaucoup à diffuser les textes. Pour Louise Labbé, l'œuvre se constitue, alors, du débat de folie et d'amour, il y a les sonnets, on peut ajouter autre chose. Je vois, Blandine Perrona, que vous avez sous les yeux les œuvres complètes chez GF Flammarion. Oui, alors profitons-en pour saluer le travail assez magnifique de Michel Clément et Michel Jourde, qui montre bien, et le propos d'Élise Rachenbach le souligne aussi, que la recherche est toujours en cours, et que tant que on se contentait d'une mythologie sur Louise Labbé, on se contentait de s'inspirer vaguement de son œuvre et puis de reporter une légende de dictionnaire en anthologie. Or, cette suspicion qu'il a fallu combattre a amené Michel Clément et Michel Jourde à faire un travail assez remarquable et toujours en cours de recherche d'archives et vont dans ce sens donc d'une peut-être pas facilité à publier pour Louise Labbé, mais en tout cas d'une fortune qui se vérifie oui. De plus en plus du fait de ses liens avec les banquiers florentins. On sait que son exécuteur testamentaire, Thomas Fortini, est aussi un Italien. Donc on voit que cette richesse dont parlait Élise tout à l'heure est aussi ce qui donne à Louise Labbé une autonomie. Parce que elle est non seulement femme de cordier, mais on le voit, c'est ce que montrent les derniers documents mis au jour par Michel Jourde et Michel Clément, c'est qu'elle est véritablement une femme d'affaires. Elle participe aux foires, elle fait des placements, pour le dire de façon anachronique sans doute, mais c'est quelqu'un qui mène sa barque aussi en tant que on peut, je pense, d'une certaine façon, hein, considérer qu'elle est Cordière non seulement comme épouse de Cordier, mais Cordière aussi en tant qu'elle exerce aussi avec son mari son activité commerciale. Et j'ai noté en regardant un petit peu son propos sur le mariage dans le débat de Folie et d'amour que quand elle parle du mariage qui ne peut être heureux, qui n'est que le mariage d'amour, eh bien elle montre le couple qui fait prospérer le bien. Et c'est une affaire commune. Et donc on peut aussi penser que Louise Labbé était autonome en tant que femme d'affaires. Oui, pour compléter ce que dit très justement Blandine, quand Louise Labbé investit, parce qu'elle investit de fortes sommes, elle le fait en son nom. Elle ne le fait pas au nom du couple, ni avec l'autorisation de son époux. Donc ce qui montre son indépendance, hein, on a vraiment affaire à une femme indépendante. Et pour compléter sur cette question aussi des milieux italiens, des milieux financiers italiens, on n'a pas parlé de la géographie lyonnaise et de la géographie de l'habitation de Louise Labbé. Mais quand Louise Labbé épouse Edmond Perrin, elle déménage du côté de la rue de Confort, Notre-Dame de Confort, c'est-à-dire qu'elle est entre l'actuelle place des Jacobins, où se situait à l'époque l'église Notre-Dame de Confort, et l'Hôtel Dieu. Cette rue Notre-Dame de Confort, d'une part, c'est l'une des rues des imprimeurs. Hein. On a la lisière du quartier des imprimeurs qui est juste à côté. Donc elle a accès aux livres, elle voit les boutiques, elle voit les ateliers. Elle discute probablement aussi avec les auteurs qui sont constamment là, en fait, en tout cas les auteurs locaux et globalement les acteurs du livre, d'une part. Et d'autre part, l'église Notre-Dame de Confort, c'est l'église des Florentins. C'est l'église de la nation florentine à Lyon où sont introduits les arts italiens. L'autel de Notre-Dame de Confort est sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, hein, qui est effectivement le saint de Florence. Les Gadagnes ont une chapelle avec des œuvres florentines, de même pour les Salviati. Et la musique elle-même est extrêmement innovante à l'église Notre-Dame de Confort, puisque globalement dans Lyon, c'est surtout le plein chant hein, qui est pratiqué, mais à Notre-Dame de Confort, c'est la musique polyphonique qui subit ici l'influence italienne. Louise Labbé, par ailleurs, par ses liens avec Tommaso Fortini, est visiblement liée, là c'est une découverte que j'ai faite récemment dans les archives, est visiblement liée aussi au chef de la nation florentine, hein, Leone Strozzi, puisque Tommaso Fortini est le parrain d'un des fils Strozzi et que la marraine du jumeau de ce fils Strozzi, c'est Clémence de Bourges. Donc on a un petit milieu qui est visiblement un milieu italianophile très fort que fréquente visiblement Louise Labbé. Oui, et puis c'est très beau de replacer l'individu dans l'espace dans lequel il évolue avec ses boutiques, avec ses rues. Dès lors, on se pose la question, mais pourquoi Louise Labbé n'a pas existé? Parce que c'est bien joli tout ce que vous nous dites là, mais non, Louise Labbé n'aurait pas existé. Nous en parlons. Après Louise Labbé. Monsieur Olivier de Magny. Bonsoir, Louise. Je suis le premier. Le premier, le seul désiré. Les autres ne sont qu'attendus. Quand je vous retrouve, Louise, j'ai toujours l'impression d'arriver trop tard, de partir trop tôt, de rester trop peu. Ne partez plus. Hélas, je suis envoyé en mission à Rome. Je pars dans quelques jours. Quelle sottise, Codemira diplomate. Un jour à Lyon, le lendemain au diable Vauvert. Vous savez que j'ai écrit un sonnet en mémoire de notre dernière rencontre. Dites-le-moi. Baise-moi encore. Volontiers, ma belle amie. Mais c'est le début de mon sonnet, Olivier. Mais pour un baiser de vous, je peux en différer la lecture. Je vous écoute, Louise. Baise-moi encore. Baise-moi encore. Rebaise-moi et baise. Rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que brefs. Donne-moi un de tes plus savoureux. Là, te plains-tu? Ça, que ce mal j'apaise en t'en donnant dix autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Baisse-moi encore, rebaisse-moi et baisse. et ne me puis donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie. Si hors de moi ne fait quelque saillie. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Thomas Beau, qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture, a tissé comme on le ferait avec des petites cordes plusieurs archives dont vous trouverez les références sur le site lecoursdelhistoirefranceculture.fr. Thomas qui réalise l'émission avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Dites-nous, Élise Reichenbach, Blandine Perrona, pourquoi Louise Labbé n'aurait-elle pas existé? Parce que c'est quelque chose que nous retrouvons. Est-ce que l'une des deux se lance déjà pour nous expliquer cette théorie que Louise Labbé n'existerait pas? Vous n'osez pas. Allez-y. Non. C'est ce fameux soupçon dont on a parlé et qui, à l'issue de cette émission, paraît difficile à comprendre. C'est-à-dire que c'est vrai que le soupçon a été bon et bénéfique en ce sens que il permet de retracer l'histoire du soupçon, ce que j'espère que nous avons essayé un petit peu de faire dans cette émission. Et c'est vrai que regarder comment Christine de Pizan a pu être parfois niée contre toute évidence et voir donc ce soupçon, c'est fascinant parce que le soupçon est tel que non seulement on se dit est-ce que c'est une femme qui a pu écrire, mais même on en arrive parfois à trouver leur œuvre mauvaise. Et je me souviens de Jacqueline Cerchiglini dans une émission de France Culture, c'était assez magnifique, qui disait un aussi grand médiéviste que Bédier, si je dis pas de bêtises, est aveuglé au point de ne pas voir la qualité de la poésie parce que c'est une femme. Et c'est aussi assez fascinant parce que non seulement dans cette mythologie dont j'ai parlé qui commence avec Antoine Duverdier, mais il y a aussi une espèce de condescendance parfois par rapport à l'œuvre. Donc ce soupçon n'est plus ne semble plus du tout possible après les travaux de Michel Jour, de Michel Clément et d'Élise Reichenbach. Mais l'intérêt en tout cas, c'est qu'on comprend mieux ce soupçon, on l'historicise et dans ce cas-là on le dépasse. Et puis on peut ensuite savourer toute la bravoure, mais pas du tout au sens du capitaine Louise, comme on l'a parfois inventé, mais la l'espèce de force intellectuelle et la puissance d'une œuvre féminine, sensuelle, spirituelle, telle qu'on l'entend dans le sonnet qui vient d'être lu. Oui, mais ce sonnet paraît en 1555 dans les œuvres, donc qui serait l'auteur de ces textes si ce n'est pas Louise Labbé? Et là, je reprends toujours cette idée de la négation de l'invisibilité donnée à cette femme. Alors, si je peux compléter aussi ce que disait Blandine, la première mention explicite d'une suspicion d'autorialité. Si on exclut le passage que j'ai cité de Pierre de Saint-Julien de Balleur, qui est en fait très ambigu, qui dit plus « ça ressemble », c'est du niveau d'un Maurice Sève. Moi, c'est comme ça que je le comprends, même si parfois on a proposé une autre lecture. C'est vraiment au XIXe siècle que les choses se jouent. Ce qui est assez fascinant, c'est que le XIXe siècle... c'est un siècle où les droits globalement des femmes et le statut des femmes est beaucoup plus restreint. C'est un moment effectivement où les choses sont beaucoup moins libres du point de vue même légal. Et c'est un moment aussi où on redécouvre les textes anciens du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Et les textes de femmes posent problème. Alors déjà, les autrices du XIXe siècle posent problème. C'est pas pour rien que George Sand prend un nom d'homme. Mais il faut aussi voir que, par exemple, l'éditeur de Marguerite de Navarre, Jourda, daigne à un moment donné accorder quelques vers à la reine de Navarre parce qu'ils sont médiocres. Donc oui, ça peut être d'elle. Et de même, pour l'abbé, c'est son éditeur Prosper Blanchemain, en 1876, qui peine à admettre la pleine maternité de l'autrice et qui suggère une plume collaborative avec l'amant supposé Olivier de Magny, dont était la mise en scène, la relation adultère supposée. Alors peut-être peut-on revenir sur ce grand fantasme autour de la relation l'abbé Magny, pour l'écarter définitivement. Le soupçon, y a deux éléments. Premier élément, l'existence de deux sonnets frères. Le sonnet 2 de l'abbé, hein, au beau yeux bruns, au regard détourné, aux beaux yeux bruns, pardon. Effectivement, Olivier de Magny a le même début de sonnet, puis ensuite les deux sonnets diffèrent sur la fin. Et on a voulu y voir une forme de, finalement, de première écriture par Olivier de Magny, qui ensuite aurait proposé une autre version pour les œuvres de Louise l'abbé, sachant que les œuvres paraissent en 1555. Et Olivier de Magny passe effectivement à Lyon en 1555 pour rejoindre Rome. Bon, soit. Sauf qu'en fait, c'est une pratique extrêmement courante. Depuis longtemps, le dialogue des œuvres, on reprend un incipit, on reprend une forme et on joue dessus. C'est une forme d'émulation intellectuelle qui se fait entre auteurs et qui se fait parfois aussi entre voix masculine et voix féminine. Donc rien d'exceptionnel. On a la même chose chez Pernet Duguay en 1545, pardon, qui est un précédent lyonnais d'autrice, poétesse, publié par le même imprimeur que Louise l'abbé, Jean de Tournes, donc par le même milieu. Alors là, c'est une publication posthume. Et qui lié à Maurice Sève, et on a ça également, hein, dans d'autres œuvres de l'époque. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'origine de cette liaison supposée, elle est suggérée au début du XVIIe siècle par Guillaume Coltet, dans Les Vies des Poètes, où il suppute des liaisons de l'abbé avec Jacques Pelletier et Olivier de Magny, qui auraient été des amants déconfits par la suite. Oui, non, mais on voit, hein, comment tout doucement est poussé de plus en plus loin la critique faite à Louise l'abbé, au point de nier même son existence avec tous ces poètes qui l'entourent, Maurice Sève, etc. Mais on l'a évoqué en début d'émission, le surnom même donné à Louise l'abbé, la belle Cordière, c'est ce jeu qui vise simplement à réduire la femme à ce qu'elle est, c'est-à-dire un corps, voilà, la femme n'est plus qu'un corps, ne peut plus être une autrice. Et cette belle Cordière à Lyon du temps de Louise l'abbé, il y en avait peut-être une autre, mais c'était une prostituée, on va dire. Elle a été associée à une figure de courtisane. Alors si je dis pas de bêtises, je me tourne vers la biographe. Il me semble qu'il y avait une rue de la belle Cordière aussi à cette époque. Donc c'était effectivement une figure mythique. L'idée de la courtisane, elle est présente dans la bibliothèque d'Antoine du Verdier dont j'ai parlé. Indépendamment même de cette, donc peut-être que l'idée de la belle Cordière courtisane vient de cette fusion, hein, de la figure de Louise l'abbé courtisane. Élise mentionnait également d'autres textes. Oui, alors il y a effectivement, hein, cette belle Cordière dans la chanson qui rend cocu son mari. Et puis surtout, l'association, en tout cas, on a un point qui dit que l'abbé et la belle Cordière sont associés. C'est dans le cadre d'une polémique religieuse, cette fois-ci, hein, qui se joue à Genève, c'est en plusieurs temps. Est-ce que j'ai le temps? Rapidement. Vous avez un temps raisonnable. D'accord. Donc, globalement, hein, on est le 21 juillet 1552 à Genève, où se sont réfugiés déjà un certain nombre de protestants, hein, pour fuir les premières persécutions qui les touchent. Et un chirurgien qui s'appelle Jean Ivard se présente devant le consistoire et devant Calvin, car il veut obtenir le divorce d'avec son épouse, Antoina Rosset. Ils sont tous les deux lyonnais, mais Antoina n'est pas avec lui, elle est restée a priori à Lyon. Et pour obtenir le divorce, il l'accuse de s'adonner à la paillardise, des témoins sont produits, elles auraient même copulé avec, ça ne s'invente pas, un Italien nommé Labitte, et elle paillarde donc, dit-elle, et elle vit une très mauvaise vie avec sa cousine, la belle Cordière. Aïe. Le mot est lancé. Or, effectivement, Louise l'abbé a bien une cousine qui s'appelle Rosset. D'accord, donc on voit comment on accumule tous ces éléments et puis au fil du temps, on fait de la Louise l'abbé, la belle Cordière, et on l'invisibilise. Avec juste une question, Élise Reichenbach, on a dit au début d'émission qu'on n'a pas une certitude sur sa date de naissance, sa date de mort. En revanche, on est sûr. Là, on est sûr. Oui, on est sûr. Hein. Elle fait son testament chez Tommaso Fortini à Lyon. Il devient son exécuteur testamentaire en avril 1565, et elle, ses neveux Jacques et Pierre deviennent ses héritiers, et elle meurt en février 1564. Elle est enterrée à Parcieux, hein, dans sa propriété, en tout cas dans l'église où se situe sa propriété, l'une de ses propriétés. Elle a une belle pierre tombale avec ses armes, ce qui prouve aussi là que c'est une notable, hein, et c'est Tommaso Fortini, hein, qui paye la pierre tombale. Donc on voit ces liens aussi étroits, visiblement, qui les lient l'un et l'autre. Avec ici plusieurs histoires, en fait, mais comme bien souvent, qui se mêlent. Il y a l'existence de Louise Labbé, et puis cette histoire du mensonge autour de Louise Labbé. Hein, c'est cette fabrique du scandale et rivalité mémorielle en France et en Europe. Je reprends le titre de votre livre, Blandine Perrona. Mais ce sont plusieurs histoires qui se croisent, avec peut-être un rappel pour finir l'émission. Lisons Louise Labbé. En soi, déjà, retournons à la lecture de ces textes. Oui, ne restons pas sur ces images mythologiques, mais rappelons-nous l'irrévérence de Louise Labbé, sa subtilité, sa finesse, sa façon de prendre la matière humaniste et de se l'approprier pour donner une voix propre et reconstituer aussi cette communauté féminine dans laquelle elle s'insère. On a parlé de Christine de Pizan, il y a une figure d'oratrice, la fille d'Hortensius qui déjà produisait des discours au moment du premier triumvirat, et donc il y a une lignée, une espèce de sororité qui se construit dans ses œuvres, et j'aimerais qu'on reste plutôt sur cette image que sur la courtisane. Eh bien, nous allons y rester sur cette image de sororité. Merci vivement à toutes les deux, Blandine Perrona et Élise Reichenbach, avec Louise Labbé, La rime féminine, cette biographie chez Calypse. Merci à toutes les deux. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême et endurant froid dur. Pourquoi Napoléon a-t-il accepté de réparer les dommages causés par les pirates français ? La piraterie, cette forme de banditisme pratiquée sur mer par des marins, appelés pirates ou forbans, s'est développée sur les côtes orientales de l'océan Atlantique dès les débuts de la colonisation de l'Amérique par les Européens. Dans les Caraïbes, la grande époque de la piraterie a commencé aux alentours de 1520 et s'est étendue jusqu'aux années 1720. Mais le renforcement du pouvoir des États, illustré par le développement des marines royales, a permis l'élimination progressive de ces réseaux de contrebande. Cependant, la piraterie a connu un dernier soubresaut dans les Antilles entre 1793 et 1830, car elle a tiré profit de la Révolution américaine, des guerres anglo-françaises et de la Révolution française. On estime que dans les années 1800, les pirates de la Caraïbe représentaient une force d'environ 3000 à 5000 combattants. Parmi eux se trouvaient d'anciens militaires ayant participé à la guerre de 7 ans, ou à la guerre d'indépendance américaine, contraints de devenir des pirates afin de subvenir à leurs besoins. Ce renouveau a connu son point culminant dans les dernières années du XVIIIe siècle, lorsqu'a eu lieu ce qu'on a appelé la guerre des pirates. Ces derniers attaquaient régulièrement les navires de commerce américains qui alimentaient l'île de Saint-Domingue. Le 30 septembre 1800, pour mettre un terme à cette insécurité, la France et les États-Unis signèrent la Convention de Mortefontaine. Mais les combats maritimes ne cessèrent pas pour autant. Le soulèvement des esclaves, qui avait débuté à Saint-Domingue en 1791, aboutit à l'abolition de l'esclavage dans cette colonie en 1793. Chassés de l'île, les planteurs français signèrent un traité avec les Espagnols pour pouvoir se réfugier à Cuba, en promettant de s'abstenir de toute piraterie. Cet accord ne fut pas respecté par les pirates installés sur la côte est de Cuba, juste en face de Saint-Domingue. Depuis cette zone, qui était peu peuplée et difficile à contrôler, les pirates purent facilement intercepter les navires anglais et américains qui voulaient faire du commerce avec Saint-Domingue. La France était alors en pleine négociation avec les États-Unis pour leur céder la Louisiane, moyennant un dédommagement d'un montant de 15 millions de dollars, soit plus de 380 millions de dollars d'aujourd'hui. Mais l'acquisition de cet immense territoire ne faisait pas l'unanimité chez les Américains. les planteurs du Sud et de l'Ouest, qui souhaitaient sécuriser la libre circulation sur le Mississippi, y étaient favorables, alors que les marchands de la côte Est considéraient que le prix était trop élevé. Pour vaincre les résistances de ces derniers, les diplomates français firent une nouvelle proposition qui fut finalement acceptée. Ils signèrent un grand contrat de réparation des dégâts causés par les pirates français d'un montant de 20 millions de francs, ce qui représentait le quart de la somme qu'obtiendrait la France en vendant la Louisiane. Comme à cette époque les États-Unis n'avaient pas de marine nationale, cette somme contribua à financer l'achat des 6 frégates destinées à protéger les navires de commerce battant pavillon des États-Unis. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Fudèche, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.